continue le tour sur l'horloge du temps. Elle avance inexorablement. Le point de non-retour n'existe pas seulement. Elle court les aiguilles du temps. Sont apparus un jour mes premiers cheveux blancs. J'ai compris à ce jour, m'en allant vieillissant, je n'avais pas de recours, je n'avais pas de plan pour échapper à mon tour à l'usure du temps. Et pourtant, on le sait bien, nous ne sommes que de passage. Et pourtant, on le sait bien, on n'arrête pas son âge. Alors me rappelant à chaque anniversaire une bougie de plus sur la tarte dessert, comme un nouveau Noël. Et quand bascule d'un cran l'écran de la pendule le premier jour de l'an. J'imagine un instant lorsque le jour viendra où mes petits enfants, en me tendant les bras, tout fiers et tout contents, appelleront grand-papa. Sans doute je serai heureux et triste à la fois. Et pourtant, on le sait bien, nous ne sommes que de passage. Et pourtant, on le sait bien, on n'arrête pas son âge. Je me souviens le temps de mes jeunes années, quand tous les souvenirs viennent me rappeler mes histoires d'amour. Les chemins traversés ont un goût d'amertume, le regret du passé. Lorsque je me regarde le matin dans la glace, me renvoie le reflet du temps en pleine face. Elle tourne, elle tourne sans cesse. Les saisons qui s'emballent ont pris de la vitesse. Et pourtant, on le sait bien, nous ne sommes que de passage. Et pourtant, on le sait bien, on n'arrête pas son âge. Le point de non-retour n'existe pas seulement. Elle court les aiguilles du temps. Le point de non-retour n'existe pas seulement. Elle court les aiguilles du temps.